fait tourner la focus. Quelqu'un passe ça, peux pas dormir sans masque. Sa bébé la coco dans le blanc. Les mecs d'à côté sont jaloux. Y'a que Broly qui valait pas. Tu voulais la guerre, il fallait pas. On fait des sous mais rien n'est légal. J'suis pas un warrior sur la bécane. On va savoir qui t'es. T'as pas dit tu peux mais y'a rien. On va savoir qui t'es. T'as pas dit tu peux mais y'a rien. On fait des lovés sur le béton. Et le quartier d'en face est fâché. On fait des lovés sur le béton. Les affecteurs qui passent sont fâchés. Robolis, on a ça. Tous les lovés, on a ça. Le Roro, on a ça. Bécane de France, on a ça. Mon cash à la maison. Non, j'ai trop d'amour pour mon ghetto. Mon équipe elle est trop busy. La tienne n'a pas sa place ici. Et si on braque ton magasin, j'ai mon brolique sous mon zizi. Je ne suis pas Tony Montana. Si tu déconnes on te finit. Je suis né pour faire du sale. La rafale ne fait pas de guili. Merde alors. On va savoir qui t'es. T'as pas dit tu peux mais y'a rien. On va savoir qui t'es. T'as pas dit tu peux.